Alors, la noble reine d'Angleterre intervint avec beaucoup d'humilité. Elle pleurait avec une si chaude pitié qu'on ne pouvait rester insensible. Elle se jeta à genoux devant le roi son seigneur et dit: « Ah, noble sire, depuis que j'ai fait la traversée, en grand péril, vous le savez, je ne vous adressais aucune prière ni demandais aucune faveur. Mais à présent, je vous prie humblement et vous demande, comme une faveur personnelle, pour l'amour du Fils de Sainte Marie et pour l'amour de moi, de bien vouloir prendre ces 6 hommes en pitié. » Le roi attendit un instant avant de parler et regarda la bonne dame, sa femme, qui, toujours à genoux, pleurait à chaudes larmes. Son cœur en fut touché, car il eût été peiné de la chagriner. Il dit donc: « Ah, madame, j'eusse mieux aimé que vous fussiez ailleurs qu'ici. Vous me priez si instamment que je n'ose vous opposer un refus. Et, quoique cela me soit très dur, tenez, je vous les donne. Faites-en ce qu'il vous plaira. » La bonne dame dit: « Monseigneur, très grand merci. » Alors, la reine se leva, fit lever les 6 bourgeois, leur fit ôter la corde du cou et les emmena avec elle dans sa chambre. Elle leur fit donner des vêtements et servir à dîner, bien à leur aise. Ensuite, elle donna 6 pièces d'or à chacun et les fit reconduire hors du camp, sains et saufs.